tout est bleu. Enfin, tout est noir aussi parfois. J'attends de croiser le regard de celui qui m'a appelé. Je suis perdu ici, personne aux alentours. Y'a de l'espace. Pas de plan pour se diriger, pour trouver la sortie. Pas de bon repas à déguster, remarque, ça ne change pas. Pas de bruit de talonnette qui claque au sol. Je commence à comprendre. La dernière fois, je n'étais pas là, mec. Je sais pas où je suis. Il y a une semaine, je me souviens. J'étais dans ma petite maison, près de ma femme, près de mes enfants, en larmes, devant le cadeau d'anniversaire. J'ai entendu frapper à la porte. J'ai entendu hurler pour que l'on sorte. C'était une garnison de talonnettes qui tend leurs baïonnettes. Des hommes armés me bousculent avec ma famille, saccagent ma maison, jettent le cadeau à terre. Ce jour de joie, pas ce jour où j'ai perdu la foi. Dirigé vers le véhicule, c'est scrupuleux et nous lancer des injures raciales. Cette nuit de pleine de lune, au brouillard épais. Arrivé près d'une gare, 600 000 hommes, femmes et enfants. Je sens l'Inde au dernier instant de liberté. Je savais que nos murs tremblaient. Je ne savais pas qu'on serait touchés. Entassés comme des animaux, dans un wagon insalubre. Une chaleur atroce. Ma femme et mes gosses pleurent, nous avons tous peur. Après des jours de route, après des jours de souffrance, après des jours de décès autour de nous, après des jours et des jours, le voyage dans l'antre de l'enfer s'arrête. Triés comme de vulgaires plis, on nous retire nos biens, aucun soin pour les autres. Aucun repas pour tous ces hommes, j'ai compris ici, j'ai compris le but de leur visite. Étranger à leur race, sale race, étranger à leur costume. Pas pour nous le jour de fête, mais jour de défaite. Une étoile jaune sur la poitrine, c'est notre marque d'origine. Ici les seuls mots dans leur bouche, travail forcé ou mort annoncée. Je n'ai pas vu ma famille depuis 6 jours. Je suis faible, je crie à l'aide, je ne suis pas le seul. 6h du mat, enfin ma première douche. Tous à poil devant le hangar, tous gelés, vite vite. Faut rentrer, ou c'est la grippe assurée. 5 minutes de répit. Cette bâtisse, pas de douche en vue, des bouches d'aération. Une vapeur arrive, j'étouffe. Enfin, tout est noir aussi parfois. J'attends de croiser le regard de celui qui m'a appelé. Je suis perdu ici, personne aux alentours. Je ne savais pas que c'était mon tour. Adieu, famille.